Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ? Madame du Défant et l'âge de la conversation. Tout d'abord, je vais quitter sous peu ce logis pour m'installer rue Saint-Dominique. Je vous en félicite, car ici finissait par être à l'étroit la nombreuse compagnie qui aime se retrouver chez vous, y discourir et vous écouter. Le salon sera magnifique, tendu de moire jaune et rehaussé de rubans couleur de feu, les belles couleurs brillantes du soleil, celles que je distinguerai le plus longtemps. Dans son salon, moire et bouton d'or, la marquise du Défant, devenue aveugle, exerçait son autorité depuis son fauteuil, d'autant plus fameux qu'elle s'y abritait sous un toit en berceau. Du Défant, Lespinasse, Agnès, Tencin, Geoffrin, La Ferté-Imbault, au XVIIIe siècle, les règles du jeu de la société mondaine étaient fixées par des femmes. C'est à elles qu'il fallait plaire dans les moments d'exception qu'elles créaient autour d'elles et qui suscitaient l'attente et l'écho de leurs visiteurs. Le mot de « salon », qui désigne dans le vocabulaire d'aujourd'hui ces réunions étincelantes, n'est entré dans le langage courant qu'au XVIIIe siècle et encore assez tardivement. Au XVIIe, on parlait des ruelles des précieuses, on utilisait aussi le mot de « cercle ». Dans tous les cas, il s'agissait de lieux protégés de l'obscurité et du chaos du monde extérieur, des îles fortunées, fermées aux malheureux. Madame Geoffrin le disait explicitement, alors qu'elle organisait des lectures publiques de l'encyclopédie. La nouveauté, oui, le malheur, non. La nouveauté, vraiment, les lumières ne se sont pas répandues tout uniment, comme on le croit souvent. Madame du Défant, par exemple, guettait la nouveauté, mais elle ne voulait pas que ce fût un parti. La conversation telle qu'elle était pratiquée dans les salons fut en réalité le dernier idéal forgé par la noblesse française. Tournée vers des modèles d'un passé idéalisé, la conversation en est devenue un à son tour. Quelques-uns seulement maintiennent l'art, perpétuant une histoire ancienne qui a la saveur d'une légende. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie de Benedetta Craveri, bonjour. Bonjour à vous. Issue d'une longue lignée intellectuelle italienne, auteure de nombre de livres sur le sujet qui va nous intéresser. L'âge de la conversation, par exemple, c'est chez Gallimard. Et Madame du Défant, nouvelle édition qui vient de paraître chez Flammarion. Vous me disiez que vous redoutiez un peu l'interview pour l'avoir vu pratiquer dès votre jeunesse à la radio italienne. L'interview, ça a peu à voir avec la conversation. Pas vraiment, parce que l'interview vous interroge et il faut donner des réponses précises. Vous n'êtes pas libre de choisir votre camp. Et en plus, je redoute horriblement mon accent italien. Ben non, c'est l'accent qui fait le charme de vos interventions. On pourrait peut-être commencer par quelques questions de vocabulaire. L'interview, c'est parfois du bavardage. La conversation, ce n'est pas du bavardage. Mais pour la conversation, il y a une définition qui fait règle, qui a été établie en Italie, parce que avant l'essor de la conversation à la française, ce sont les Italiens à la Renaissance qui ont établi les règles du jeu. Castiglione, dans son grand livre sur le courtisan, et Guazzo, qui a écrit un livre sur la conversation polie. Et Guazzo disait que pour qu'une conversation prenne l'essor, il ne fallait pas être moins de grâce, c'est-à-dire trois, et pas plus de muse, c'est-à-dire neuf. Ah. Mais on va entendre dans un instant Montaigne, que nous avons juxtaposé avec Chantal Thomas, une autre grande 18e-iste, faire une comparaison avec le jeu de paume. Alors le jeu de paume, on n'est qu'à deux. Et puis, dans la conversation, il faut toujours laisser la part à l'adversaire, ne pas l'écraser. Gagner, c'est pas sûr. Dans l'idée de conversation, il y a vraiment, je pense, d'abord l'idée d'être ensemble et qu'un échange se produit. Le bavardage peut être facilement sourd à l'autre et du côté du soliloque, alors que dans la conversation, il y a nécessairement l'envie que l'autre existe. Et même, je pense qu'un des critères d'une conversation réussie, c'est que l'autre, celui à qui on s'adresse, se sent devenir plus brillant, plus intelligent, plus séducteur. Il y a une sorte de des conversations heureuses produisent des métamorphoses. C'est un art aussi du désir. Cette huissie se doit préparer à recevoir la parole selon le branle qu'elle prend. Comme entre ceux qui jouent à la paume, celui qui soutient, se démarche et s'apprête, selon qu'il voit remuer celui qui lui jette le coup et selon la forme du coup. Montaigne compare la conversation au jeu de paume, donc à une joute, un affrontement où l'un gagne et l'autre perd, où ils sont des adversaires, des rivaux. Ne nous méprenons donc pas. Il ne s'agit pas pour l'un de se mettre à la portée de l'autre, mais pour l'autre de compter avec l'un. Dans le chapitre de l'art de conférer, Montaigne concède d'ailleurs la peine qu'il a de donner raison à un interlocuteur. Mais pour que l'échange soit beau, comme au jeu de paume, chacun doit y mettre du sien. Ainsi, Montaigne balance entre une conception de la parole comme échange ou comme duel. C'est pourtant la confiance qui l'emporte, par exemple dans cette généreuse sentence du chapitre de l'utile et de l'honnête, « Un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. » Pelletata Craveri. Alors, je commence avec le grand Montaigne. Je pense que la conversation pour Montaigne, c'est une conversation intellectuelle. Il pense à son ami La Boétie, il pense au pari qu'il y a dans toute confrontation intellectuelle. Et donc, on va plutôt vers le dialogue, vers l'échange précis sur des thèmes qui lui sont profondément à cœur, où on ne peut pas tellement improviser. Et d'un autre côté, a parfaitement raison Chantal Thomas en parlant de ce plaisir de faire plaisir à l'autre. Il y a un célèbre dialogue du chevalier de Méré, qui est le premier théoricien de l'honnêteté au XVIIe siècle, et un des deux interlocuteurs dit à l'autre « Quand je parle avec vous, je me sens plus intelligent, parce que vous me faites penser. » Mais ça, c'est à nouveau un élément qui va revenir à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une lettre célèbre de Diderot à Necker, il me semble, où il lui dit « Vous me demandez si j'ai lu l'abbé Reynal. Moi, je ne lis plus, je n'ai pas le temps. La seule chose qui m'intéresse, c'est la conversation. C'est en parlant que j'enfante mes idées. » La conversation devient pour les philosophes, un vrai procès de réflexion philosophique, comme au fond, on pense que c'était à l'origine, à l'époque grecque, avec les Socrate, Platon, etc. Oui, mais dans la conversation, on pense pour parler. On a pensé avant de parler. Mais je pense qu'il faudrait distinguer, il y a plusieurs conversations. La conversation mondaine, qu'il prend l'essor au début du XVIIe siècle. C'est un jeu social, c'est un élément de distinction sociale. Il faut savoir bien parler, maîtriser la langue, être brillant et avoir la capacité de séduire l'autre. Et c'est un reproche que Rousseau fera dans la Nouvelle Héloïse à la société française de la moitié du XVIIIe siècle. Ils disent à ces femmes, ces hommes, parlent magnifiquement bien, ils savent tout, etc. Mais à quoi ça porte? Derrière cela, il y a une volonté de domination de l'autre. Donc, la conversation dans ses origines mondaines, c'est un élément de distinction sociale, de maîtrise de soi, une occasion de amusement. Comment dirais-je, occuper, meubler les longs loisirs de la noblesse. C'est une manière de se passer des renseignements, de faire circuler l'information. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de journaux. Et c'est aussi une manière de réfléchir et de réfléchir sur sa propre identité. Et la chose extraordinaire, c'est que pour la première fois, autour de la moitié du XVIIe siècle, on voit toute une société qui se regarde au miroir, qui réfléchit sur son paraître et décide d'être en état de choisir ce que doit penser en matière de goût, d'art, de psychologie, d'amour, de littérature et même de religion. On le voit dans la querelle janséniste et au XVIIIe siècle de politique. C'est un phénomène unique en Europe à l'époque. Un phénomène unique en Europe. Alors j'ai noté quand même que vous cherchez bien sûr les origines de la conversation dans les codes rhétoriques italiens, mais on dit que non seulement on vient à Paris pour apprendre la conversation à la française, mais celle-ci exerce une contagion jusque dans des pays qui n'appartiennent pas aux aires d'influence traditionnelle française. Voici un extrait du film Ridicule. On va entendre le regretté Jean Rochefort s'interroger sur la différence entre l'esprit à la française et l'humour à l'anglaise. Baron, comment avez-vous trouvé les Anglais ? Très distrayant. Ils ont là-bas une forme de conversation qu'ils appellent humour et qui fait beaucoup rire. Enfin, ce qu'ils appellent rien. Humour ? C'est une forme d'esprit ? Non, pas vraiment. Et comment le traduisez-vous ? On ne peut le comparer à rien. Ah, c'est le mystère, vous nous faites brûler de curiosité. Mais enfin, un art de conversation qui fait rire, il faut bien que cela soit une sorte d'esprit. Non, ce n'est pas esprit le mot juste. Il nous manque un terme à nous, Français. Donnez-nous un exemple. Ça ira plus vite. Eh bien, je demandais à Lord Twickenham combien il avait de maîtresses. Et il me répondit impassible. À partir de combien peut-on dire plusieurs ? Si maître qu'il soit de la conversation, les Français reconnaissent qu'il leur manque des mots. Mais je pense que cette conversation, cette question n'aurait pas pu avoir lieu dans un salon français. Parce que la conversation anglaise est une conversation d'hommes, entre hommes. L'Angleterre est un pays où il y a eu la réforme et où les femmes sont séparées des hommes. Et le humour, c'est un exercice entre hommes. La spécificité de la conversation française, c'est la participation des femmes. Cas nouveau unique en Europe, pour des raisons qui ne dépendent pas des lois. Partout en Europe, les femmes sont des citoyennes avec des droits limités. Dans l'éthos, dans la morale nobiliaire, la femme, qui est l'élément le plus faible de la frêle de la société, est mise sur un autel. Et c'est elle qui décide des loisirs de la noblesse, c'est-à-dire l'élément distinctif de la noblesse. La noblesse, comme nous savons, fait la guerre, se bat. Et sinon, elle ne travaille pas. Et donc, elle doit meubler une immense quantité de jours. Et ce sont les femmes qui décident des amusements. Et donc, c'est une conversation où la galanterie et le respect pour les femmes a une importance fondamentale. Interaction entre l'homme et la femme. Madame Geoffrin, qui tient un grand salon, et l'abbé de Saint-Pierre. Monsieur l'abbé, vous avez été d'une excellente conversation. Madame, je ne suis qu'un instrument dont vous avez bien joué. Nous avons pensé évidemment faire le rapprochement entre la musique de chambre de Mozart et la conversation. 1, 2, 3, 6, 7, 8, octobre avant, sérénade, Mozart, l'ensemble Philidor. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Benedetta Craveri, nous sommes maintenant au plus fort de l'âge de la conversation. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Travaux pratiques avec l'exemple de la marquise du Deffand. Vous publiez une nouvelle édition d'un livre ancien que vous lui aviez consacré. C'est chez Flammarion. Bon, on ne va pas raconter la très longue vie de Madame du Deffand. On ne va pas insister sur son mari. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que elle a connu une jeunesse que vous décrivez comme une escalade de désordre, que ça s'est stabilisé sur une base financière étroite, avec un amant de 40 ans, le président Hainaut. Et elle ouvre son salon, elle est née en 1697, elle ouvre son salon seulement en 1747. Tout est prêt pour qu'elle l'ouvre. Exact. Et c'est tout de suite un grand succès. Elle a fait ses preuves dans le salon de Madame de Lambert, à la cour de Sceaux. Elle est maintenant bien connue pour son esprit, son intelligence, son originalité. Et finalement, elle a les moyens d'ouvrir un petit salon dans un appartement d'un couvent qui a loué, où elle va rester jusqu'à la mort. Rue Saint-Dominique. À Rue Saint-Dominique. Ici, c'est une scène de synthèse. Vous en pardonnerez le côté peut-être un peu fabriqué. On n'est pas vraiment d'ailleurs dans son salon, on est en plein air au début. Et il y a là Fontenelle, entretien familier courant entre Madame du Deffand et Fontenelle, qui n'est pas de première jeunesse non plus au moment où intervient cet extrait. Il y a l'amant officiel dont le fantôme passe, le président Hainaut, et puis est cité le nom de Voltaire. Apprenez-moi vos étoiles. Il ne me sera point reproché que dans un bois, à 10 heures du soir, j'ai parlé de philosophie à la plus aimable personne que je connaisse. Cherchez ailleurs vos philosophes. Non pas. N'avez-vous pas eu quelquefois une idée plus sublime de l'univers? Il lui fallut, monsieur, mais la réflexion m'a manqué. Ah, madame, vous êtes si bien disposée que je crois que je n'ai qu'à tirer les rideaux et à vous montrer le monde. Je n'ai pas en vérité le plus cher désir que de le voir. Je vous cherchais partout, Marie. Monsieur de Fontenelle me retenait captivée. Et non captive. Monsieur de Voltaire est ébloui par vous. Tous ses discours commencent présentement par votre nom. Madame du Deffand a dit, je racontais à Madame du Deffand. J'en pourrais dire autant, ma chère Aïssé. C'est une rencontre. Allez-vous aimer? Qui, Voltaire? Quelle étrange idée. Et le président Hainaut? Vous ne répondez pas? Il me repose. Et il m'attendrit. C'est ce dont vous auriez besoin. On parlera des sentiments amoureux de Madame du Deffand dans un instant, mais dans cette émission de Sandrine de Portal, Radio France, 1967, on voit qu'elle est un confluent de la philosophie, de la science, de la littérature, de la mondanité, mondains et intellectuels mêlés. Oui, c'est un mélange qui commence dès le XVIIe siècle. La conversation, c'est un dialogue entre hommes, femmes et intellectuels. Mais au XVIIe, les intellectuels sont un peu des amuseurs subalternes. Ils sont en fonction des loisirs de cette société. Au XVIIIe, les règles du jeu changent parce qu'il y a une grave crise morale de cette société. La religion apparaît quelque chose de très, très éloigné. Et les mondains cherchent des nouveaux valeurs dans les Lumières. Et les intellectuels acquièrent une importance qu'ils n'avaient pas avant. D'Alembert dira que les mondains ont acquis des Lumières des intellectuels, mais les intellectuels ont appris le goût, l'élégance du style de la part des mondains. Donc c'est un échange très, très équilibré. Et les intellectuels utilisent les salons pour faire circuler leurs idées, pour promouvoir leurs ouvrages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, la parole est libre, mais la parole écrite est soumise à une très importante censure. Alors, on connaît le tableau du salon de Madame Geoffrin, où les auditeurs écoutent la lecture d'articles de l'encyclopédie, mais au fond, cette femme, et pas seulement parce qu'elle est devenue aveugle assez vite, elle ne lit pas beaucoup, elle n'a pas de culture si étendue. Madame Geoffrin, elle ne saurait que lire et compter. Mais elle a une acuité, elle saisit. Mais Madame du Deffand dit plusieurs fois dans sa correspondance, exprime le regret d'avoir été coupé de l'éducation. L'éducation, c'était une question d'hommes, pas des femmes. Et cette complainte traverse toutes les femmes, les écrivains du XVIIIe siècle. Mais elle était une femme cultivée, elle lisait énormément, et quand elle est devenue aveugle, elle se faisait lire. Elle souffrait d'insomnie, et il avait un malheureux lecteur qui lui lisait les nouveautés pendant toute la nuit. Alors si elle dit qu'elle n'a pas d'érudition, c'est qu'elle doit dissimuler. Non, la femme doit dissimuler. Elle est un autodidacte. Donc, et cette conversation mondaine est une forme extraordinaire de éducation, de culture. On disait que Louis XIV avait tout appris par la conversation du cercle de sa mère. Mais ils sont coupés de la philosophie, du latin, des classiques, de la théologie, de l'histoire. Vous parlez beaucoup de la psychologie de Madame du Deffand, l'ennui, les vapeurs, les ténèbres, la cécité. À un âge qu'on dirait avancé, voilà qu'elle fixe sa vie sur Walpole. Walpole, c'est un stakhanoviste de la mondanité, dites-vous. Mais oui, mais aussi un écrivain, un dandy, comme on dirait au 19e, un esthète, mais quand même quelqu'un, un amateur, disons, un dilettante dans le sens 18e du terme, mais c'est quand même celui qui lance la mode du Gothic Revival en littérature avec le château d'Otrante et en architecture avec son château de Strawberry Hill, et qui veut laisser un document extraordinaire de son époque à travers son immense correspondance. Voilà. Un exemple de cette correspondance où le feu est retenu. Vous êtes anglais, vous n'êtes donc qu'un grand fou. Des indiscrétions encore passent. À toute force, cela peut se dire. Mais pour des emportements romanesques, cela me met en fureur. Moi, l'ennemi déclaré de tout ce qui en a le moindre trait. Moi qui leur ai toujours déclaré la guerre. Moi qui me suis fait des ennemis de tous ceux qui donnaient dans ce ridicule. C'est moi qui en suis accusé aujourd'hui. Mais apprenez. Et retenez-le bien, que je ne vous aime pas plus qu'il ne faut, et je ne crois point par-delà vos mérites. Soyez Abélard, si vous voulez, mais ne comptez pas que je sois jamais Héloïse. Est-ce que je ne vous ai jamais dit l'antipathie que j'ai pour ces lettres-là ? J'ai été persécutée de toutes les traductions qu'on en a faites et qu'on me forçait d'entendre. Ce mélange, ou plutôt ce galimatia de dévotion, de métaphysique, de physique, me paraissait faux, exagéré, dégoûtant. Choisissez d'être pour moi tout autre chose qu'Abélard. Parce que je ne suis pas Héloïse. C'est assez extraordinairement écrit, mais le style est là pour contenir l'ardeur. Le style est là pour apaiser l'anxiété de Walpole, parce que quelque chose doit être passé entre ces deux. Je ne dis pas du point de vue érotique, mais du point de vue de la confiance, de l'échange des sentiments. Parce que Walpole a 20 ans moins de Madame du Deffand. Il est bien connu pour ne pas avoir des amours féminins. Il a la terreur de ce que les gens puissent dire de lui. Et à Paris, dans un séjour de 6 mois à Paris, il rencontre ce personnage déjà mythique, de cette vieille dame qui a été la maîtresse du régent, qui a connu tout le monde, qui est en correspondance avec Voltaire, qui a un salon tellement prisé. Et il s'intéresse à elle, il veut l'avoir comme correspondante, il comprend qu'il aura la plus extraordinaire correspondance parisienne qu'il puisse rêver, et au moment de partir, il lui écrit une lettre où il doit lui avouer quelque chose. Et Madame du Deffand n'oubliera jamais cette lettre. Et on n'a pas les lettres de Walpole, c'est non, ça? Non, parce qu'il se fait restituer ces lettres et les brûle toutes. Donc, elle investit cet étranger dont elle n'a pas vu le visage, qui est l'emblème d'une autre culture, de toute la passion, tout le sentiment qui a toujours tenu sous contrôle, qui a toujours étouffé pour crainte de ne pas être aimé, pour crainte d'être trahi. L'éloignement avec Walpole marquera le début d'un lent déclin. Elle mourra en 1780, donc à 83 ans, peu d'années avant la Révolution française. Juste un mot sur le rapport des salons et des lumières. On imagine que les lumières se répandent comme ça, tout uniment. Il y a des salons où on ne défend pas la nouveauté, même si on en est curieux, et c'est le cas du salon de Madame du Deffand. Oui, mais Madame du Deffand a été du côté des lumières jusqu'à... au moment où D'Alembert, qui est son protégé, D'Alembert l'a trahi et choisit sa nièce, Julie de l'Espinasse, et part avec elle. Donc, jusqu'à ce moment-là, le salon de Madame du Deffand a été non seulement ouvert aux Lumières, mais en faisant entrer D'Alembert à l'Académie française, fera basculer l'équilibre entre la tradition et les Lumières. Madame du Deffand est trop pessimiste pour croire dans le progrès. Elle pense que l'homme n'est pas bon. Et c'est un malheur d'être né. Parce qu'on doit mourir. Elle voudrait croire, elle voudrait avoir une foi religieuse qu'elle n'a pas. Et donc, elle appréhend avec anxiété ce moment final. Et elle en parle avec Voltaire. Il y a aussi cet élément de la nuit, de l'impossibilité de participer à la vie réelle qui lui fait écrire des lettres extraordinaires. Cioran disait que c'est le premier écrivain qui parle de la nuit, de la dépression, comme un mal physique. Et en même temps, dans ces moments où elle sort de cet état de frustration, et elle est pleine de curiosité et très passionnée. Les lumières vont s'éteindre dans les salons où la noblesse française mettait un terme à sa plus brillante saison mondaine. Juste une question pour finir, nourrie un peu du début des origines intellectuelles de la Révolution française telles que les décrivait Hippolyte Taine, philosophe de l'histoire pessimiste. Le dernier lieu où a brillé la conversation sont les cachots de la terreur. Oui. Et ça ne servait à rien à la noblesse qui s'est désarmée en pratiquant la conversation, sous-entendait Taine. Taine a une vision qui est son point de vue. Mais c'est vrai que jusqu'au moment de monter à l'échafaud, la majorité de la noblesse reste fidèle à la discipline du paraître. Parce que c'est une seconde nature. Et jusqu'à la fin, témoigner de sa propre morale, de son propre éthos, et un témoignage idéologique et moral aussi. Et en même temps, il redécouvre un sentiment religieux qu'il avait vraiment oublié pour la majorité. Mais je pense que la conversation aristocratique ne se termine pas seulement dans les cachots. Il y a eu toute une noblesse libérale qui était nourrie des Lumières et qui a salué 1789 comme un moment essentiel qui donnait la possibilité de transformer la monarchie absolue dans une monarchie constitutionnelle, et toute une élite de la noblesse a parié et cru dans cet idéal. Donc ce n'est pas vraiment vrai que la noblesse était simplement porteuse du passé, du regret ancré à ses vieux privilèges. Là aussi, il faut nuancer. Merci à vous, Benedetta Craveri. Votre livre sur Madame du Deffand, c'est aux éditions Flammarion. L'émission était préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Franck Olivard et Ninka Negulesco, à la technique Serge Viguier et la réalisation Audrey Ripouille.